Oui, alors ça va être compliqué de vous avoir un rendez-vous, monsieur. Ah bon, pourquoi ? Le docteur P prend ses congés et le cabinet est fermé pendant les vacances. Ah, le cabinet ferme ? Oui. Mais je fais comment avec ma gastro ? Pardon ? Bon, eh bien, bonne fête quand même, hein. Il y a des moments où on aimerait bien voir un médecin rapidement. Livy, c'est un médecin en quelques minutes, accessible 7 jours sur 7, même pendant les vacances, quand votre médecin traitant est indisponible. Si vous partez en vacances pendant les fêtes, Livy vous accompagne. Téléchargez Livy sur App Store ou Google Play. Livy, un médecin en quelques minutes. Merci Mathieu et à demain. Et quoi de mieux pour commencer l'année que de rappeler encore et toujours que nous sommes tous faits de poussière d'étoiles, comme aimait à le dire Carl Sagan, et Hubert Reeves après lui. Hubert Reeves, c'est l'une des rencontres cruciales de notre premier invité de l'année, qui a travaillé avec lui sur la nucléosynthèse, la création des atomes au sein des étoiles, mais aussi au tout début de l'univers, et entre les deux, dans l'espace, dans le bombardement de rayons galactiques de hautes énergies. Mais notre premier invité de l'année n'est pas qu'un chimiste nucléaire interstellaire, c'est aussi un homme qui a la vulgarisation chevillée au corps, le désir d'expliquer et de transmettre. Jean Audouze est notre tout premier invité pour l'année qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et bonjour et bonne année Jean Audouze. Eh bien, bonne année Nicolas et merci de m'inviter en ce 1er janvier. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter d'ailleurs pour cette année 2019 qui débute ? Oh ben, ce qu'il faut me souhaiter, c'est d'écrire, de continuer à avoir un peu d'énergie pour écrire les bouquins de vulgarisation. Et puis deuxièmement, d'arriver à contribuer à faire en sorte que il y ait de la paix dans les établissements scolaires. Oui, parce que c'est l'une de vos missions, hein. On en reparlera de vos missions dans les établissements scolaires aujourd'hui, Jean Audouze. Peut-être scientifiquement, qu'est-ce que vous aimeriez personnellement que l'on découvre en cette année 2019, que l'on invente ? À quoi allez-vous être particulièrement attentif ? Ben, je vais être attentif à tout ce qui concerne la planète Mars, à savoir si quand on va toutes les expériences qu'on fait au laboratoire, par exemple, pour reconstituer de la vie en dehors de l'oxygène, et puis être attentif à toutes les décisions qui vont être prises en matière spatiale. Bon, vous savez que Bepi Colombo vole maintenant depuis un certain nombre de mois, mais il va arriver seulement dans 6-7 ans. Donc vers Mercure, on avait consacré une mission à non, mais être un petit peu attentif. Mais moi, je suis absolument optimiste. Cette année, il y aura encore, comme les années précédentes, depuis une vingtaine d'années, il y aura certainement une grande découverte. Je ne sais pas nécessairement laquelle, mais je suis prêt à l'accueillir. Alors Jean Audouze, vous n'avez pas échappé à une petite biographie sommaire que je vous laisserai évidemment le soin de corriger ou de compléter. Vous avez été élève des lycées Louis Grand, puis Saint-Louis à Paris. Vous passez par l'école normale supérieure avant de soutenir une thèse en 1970 sous la direction d'Hubert Reeves. Après un détour aux États-Unis, vous passez notamment par Caltech. Vous revenez enseigner en France à l'école polytechnique. Vous prenez la direction de l'Institut d'astrophysique de Paris avant d'accepter, à la fin des années 80, un poste de conseiller scientifique auprès de François Mitterrand au début de son second mandat. À la suite de quoi, vous vous orientez vers la vulgarisation et la communication scientifique, d'abord à la tête de l'établissement public du Parc de la Villette, puis du Palais de la Découverte. Passionné de littérature et de théâtre, vous entretenez depuis près de 30 ans un rendez-vous de jeudi à trois voix avec Michel Cassé et Jean-Claude Carrière, qui a donné lieu à un livre d'échanges scientifiques, philosophiques et littéraires, Du Nouveau dans l'Invisible, c'est aux éditions Odile Jacob. Voilà, c'est un résumé très bref, mais on va avoir le temps de le détailler. Qu'est-ce que vous aimeriez ajouter à ce résumé, Jean Audouze ? Disons mon passage à l'UNESCO. Enfin, président de la Commission nationale française pour l'UNESCO, voilà. On a une heure pour parler un peu de vos travaux, de votre carrière, de vos goûts multiples et variés, pas uniquement en matière scientifique, mais il y a une question que j'aime souvent poser à mes invités pour ces grands entretiens, Jean Audouze. Et c'est intéressant parce que c'est une question que l'on peut poser souvent à des artistes et moins souvent à des scientifiques, c'est la question de la vocation. Est-ce que vous croyez à la vocation ? Alors moi, je crois à la vocation parce que j'essaye d'y répondre. Moi, ça, c'est une des choses que je fais en ce moment et qui me passionne, à savoir rencontrer des jeunes de 10, 15, 20 ans et qui viennent me dire « j'ai envie d'être astrophysicien, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?» Alors, je leur donne des conseils, bien sûr. Voilà. Alors, honnêtement, la vocation, ça existe. En ce qui me concerne, je dois dire que je suis un peu une exception, à savoir que ça, c'est, disons, mon attraction vers l'astrophysique a été déterminée par une conversation avec quelqu'un lorsque j'avais, à la fin de la première année de l'école normale supérieure. Bon, je savais que j'allais faire de la recherche, mais je savais pas bien dans quel domaine. Et puis, mon père était ami avec un dirigeant du CNRS qui a eu la gentillesse de me recevoir une quinzaine de minutes. Henri Volkringer. Voilà, c'est ça. Et alors il m'a dit qu'est-ce que vous avez fait ? Est-ce que vous aimez bricoler ? Je dis oh non. Il m'a dit oui, surtout pas. Alors vous lui avez dit je ne sais rien faire de mes 10 doigts exactement. Voilà, c'est ce que vous déclarez dans une interview au Monde. Oui, oui. Et alors il m'a dit dans votre cas, je ne vois qu'une solution, c'est d'aller rencontrer Evry Schatzman, qui est le professeur d'astrophysique théorique à la Sorbonne. À l'époque, c'était la Sorbonne. Et puis donc j'ai été le rencontrer. Et puis voilà. Donc c'est en fait ma vie. Je n'ai été vraiment candidat qu'une seule fois dans ma vie, c'est justement pour le poste de président de la Commission française pour l'UNESCO. Toutes les autres, ça m'est arrivé par hasard, des conversations, des rencontres, même avec Hubert Reeves. Hubert Reeves, en 1965, il avait commencé sa carrière aux États-Unis. Il est d'ailleurs docteur de l'université d'Ithaca, de Cornell. Et puis donc, il avait une belle réputation parce que il a été très très rapidement. Il a fait un article extrêmement important à la fin, avant de quitter le Nouveau Monde. Il a été ensuite passé une année en Belgique et à ce moment-là, Evry Schatzman et René Bernas, qui dirigeaient un des laboratoires d'Orsay, a dit « il faut qu'il vienne ». Et puis j'étais là à ce moment-là et puis j'ai demandé donc à Hubert Reeves « est-ce que vous acceptez de me prendre comme étudiant ?» Donc j'étais effectivement son premier étudiant et puis voilà. Mais alors, Jean-Audouze, est-ce qu'on peut vraiment croire absolument, comme vous le décrivez, pour un scientifique à une carrière antidéterministe à ce point-là, de casualité totale ? Je dirais pas ça, mais le hasard, ou si vous voulez, ça fait partie de la vie et ça fait partie même de la physique. L'incertitude, n'oubliez pas que l'un des fondements de la physique, c'est le principe de l'incertitude d'Heisenberg. Donc, la physique quantique. Moi, je crois beaucoup. On est comme des passagers dans une gare et il y a des trains qui passent. Alors, on les prend, on les prend pas. Et c'est un peu ça qui est fait. J'ai pris le train Hubert Reeves, j'ai pris le train William Fowler, j'ai pris le train de la Villette, j'ai pris le train de l'Élysée, des choses. Mais bon, ils sont passés. Voilà. J'aimerais gratter un petit peu tout de même parce que vous dites, j'ai un gros défaut, je m'intéresse à beaucoup de choses, donc ma vie n'a été faite que de rencontres, c'est ce que vous dites aujourd'hui, Jean-Audouze. Mais tout de même, quel adolescent étiez-vous ? Est-ce qu'il y a une lecture, par exemple, que ce soit d'ailleurs une lecture scientifique ou une lecture littéraire, quelque chose qui ait marqué votre adolescence ou votre âge adulte jeune, qui aurait été vraiment quelque chose qui a contribué à structurer votre pensée ? Alors moi, ce qui m'a structuré ma pensée, c'est plutôt, pardonnez-moi, c'est de regarder mon père agir. Alors mon père était médecin, mais en fait, il était médecin, je dirais, c'était pas vraiment sa vraie vocation. Sa vraie vocation, il était artiste. Et comment dire, je le regardais, il faisait plein de choses, et de la photographie, du cinéma. Il était producteur de films, oui. Oui, il a fait de la céramique, etc. Et il a rencontré des artistes avec lesquels il a travaillé. Il a fait un documentaire en biologie. Et c'est plutôt de le regarder faire. Et je crois que le goût, ce qui me caractérise, je pense, c'est que je suis intéressé partout. Par votre métier, par exemple. Je le ferai pas, mais ça m'intéresse de voir comment vos collègues, vous procédez pour nous interroger, pour nous mettre en valeur, etc. Et moi, c'est ça me fascine. Ce que font les autres, je suis absolument émerveillé. Alors Jean, puisqu'on évoque Hubert Reeves, et avant de parler de vos travaux de recherche sous sa direction et puis ensuite dans le reste de votre carrière, on a retrouvé justement cette archive d'Hubert Reeves qui parle de quelque chose d'intéressant qu'on pourrait intituler « La solitude de l'astrophysicien devant le télescope et la nuit étoilée ». Écoutez. Je me souviens de nuits que j'ai passées devant un télescope. Et alors, il faut vous dire que là, on se sent très loin. On se sent très loin de la Terre. On se sent presque, on se dirait presque dans une capsule spatiale. On a devant soi, au télescope, une étoile qu'on regarde. On passe des heures très calmes. Tout est toujours très calme, très détendu. Et les travaux que vous avez à faire, ajuster le télescope pour pas que l'étoile dérive ou des choses comme ça, vous prennent très peu de temps. Alors, vous avez beaucoup de temps pour méditer, pour sentir, et progressivement, et aussi probablement parce qu'il fait froid. Il faut dire qu'il fait toujours froid dans les observatoires, c'est la nuit, on n'est pas protégé, on est directement dirigé vers le ciel. Et on sent une espèce de, en même temps, d'engourdissement qui vous amène à des états de méditation, quelque chose comme ça. Et on se sent plongé dans le monde, dans l'univers, dans le monde des étoiles. Une nuit dans un observatoire, ça vous nourrit, pas seulement sur le plan intellectuel, mais ça vous nourrit sur le plan émotif. C'est une émotion si profonde que vous en êtes marqué. Est-ce qu'il faut avoir une personnalité méditative comme Hubert Reeves quand on est astrophysicien, Jean Audouze? D'une certaine façon, il y a... Comment dire? Alors, je rajouterais quelque chose dans sa description qui est tout à fait exacte, enfin, que j'ai ressenti moi-même lorsque j'ai été dans les observatoires. C'est, moi, ce qui me fascine, c'est le bruit de la coupole qui va tourner au cours de la nuit, qui fait une sorte de... Et ça me renverse, c'est vraiment extrêmement... C'est touchant, et il a raison, c'est vrai que je sais pas si ça me nourrit, mais en tout cas, c'est un moment de rêve, de se dire que nous sommes sur un vaisseau spatial qui s'appelle la Terre, hein, qui tourne autour du Soleil, le Soleil tourne autour de la galaxie, etc. Et nous sommes pas grand-chose, hein, vous avez dit tout à l'heure, poussière d'étoiles, mais nous sommes une poussière d'étoiles qui réagit, il y a des émotions, qui peut essayer de comprendre les choses, pas toujours, mais de temps en temps. Et vraiment, c'est vrai que c'est un moment de bonheur, et justement, mais pas seulement par la vision, mais par tous les sens. Une des questions hein, qui vous taraude, vous le dites, et puis on va en parler, parce qu'on va parler de vos travaux sur la nucléosynthèse, c'est de savoir notamment si, dans ces processus de nucléosynthèse, si les molécules organiques, elles s'assemblent sur Terre comme ça, par une sorte de coup du hasard, puisqu'on le décrivait tout à l'heure, ou si finalement c'est un processus plus courant, statistiquement, dans l'espace même, directement dans cet espace interstellaire. Alors au début, je dois dire, j'étais plutôt de la position que la vie est apparue sur Terre par une suite de d'événements électromagnétiques. Vous savez, il y a une célèbre expérience de Urey et de Miller. Hein, on met des gaz, du méthane, du gaz carbonique, de l'ammoniac, de la vapeur d'eau. On fait passer des courants électriques, puis on obtient des acides aminés qui sont la première marche vers les molécules biologiques. Alors ça m'avait... Jusqu'à un certain âge, ça m'avait vraiment marqué. Et puis, j'ai fréquenté, comme Hubert, l'Institut d'astronomie de Cambridge, qui était donc dirigé par Fred Hoyle. Et Fred Hoyle était pas seulement un défenseur de l'univers statique, c'est-à-dire sans Big Bang, mais il avait aussi une théorie selon laquelle la vie, ce qu'on appelle la panspermie, il y a des petits grains de vie un peu partout. Alors au début, comme tout le monde, je pensais que c'était une faribole, mais plus j'y pense, lorsque vous voyez par exemple vous savez qu'il y a eu la sonde qui a visité une comète, et puis dans la comète Rosetta, dans la Philae, et donc mes amis d'Orsay ont trouvé des molécules très complexes. Donc moi j'ai cette spéculation qui est celle que effectivement il y a des petits grains biologiques un peu partout, on va avoir des réponses parce que il va y avoir le retour des échantillons martiens, puis dans les années 2025 La NASA va envoyer des satellites sur Ganymède et Europe, creuser des petits trous pour aller pomper l'eau qui se trouve sous la glace. La lune glacée de Jupiter. Voilà, c'est ça. Et puis on verra bien s'il y a des molécules biologiques. Alors, j'aurais tendance, mais c'est une pure spéculation, une hypothèse, à penser qu'il y a des petits grains de vie partout. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Mais oui, c'est l'esprit de Noël qui souffle, de la nouvelle année en tout cas, qui souffle sur la méthode scientifique et sur cette émission avec notre premier invité de l'année que nous sommes ravis d'accueillir à ce micro pour débuter comme il le faut 2019, l'astrophysicien Jean Audouze qui est avec nous tout au long de cette heure. Alors, on va parler un peu justement de vos travaux et pas seulement de vos travaux de thèse puisque ce sont des travaux qui ont occupé une large partie de votre carrière d'astrophysicien. J'ai du mal à me faire à cette musique de Noël mais je vais y arriver. Vous commencez donc vos travaux de recherche, vous nous l'avez dit Jean Audouze, sous la direction d'Hubert Reeves et de René Bernas, sous l'impulsion de René Bernas et de ses travaux sur la nucléosynthèse, parce que c'est intéressant, dans le schéma de l'époque, il y a en fait comme une sorte de trou, comme une sorte de brique manquante qui a du mal à être expliquée dans la création de trois atomes particulièrement du tableau périodique, le lithium, le beryllium et le bore. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça, Jean Audouze ? Si vous voulez, l'histoire de la nucléosynthèse, elle se divise en trois époques. La première époque, c'est Gamow, qui était un des pères du Big Bang et qui estimait que, au début de l'univers, par une accumulation de neutrons, on formait tous les éléments chimiques. Alors, depuis l'hydrogène jusqu'à l'uranium. Et puis survient, dans les années 1957, c'est une idée fabuleuse de Fred Hoyle. Fred Hoyle a fait une grande découverte, à savoir que pour que ça marche, il faut qu'il y ait une caractéristique du noyau de carbone. Bon, je vous fais pas. En tout cas, en 1957, il publie avec le couple des Jeff et Margaret Burbidge et William Fowler, avec qui je vais travailler plus par la suite, et qui aura le prix Nobel pour ça, alors que Fred Hoyle aura été écarté, ce qui a été scandaleux, en 1983. Donc il a le prix Nobel pour un travail qui a un nom de code très célèbre en astrophysique, B2FH, Burbidge, Fowler et Hoyle. Et donc, c'est une bible, à savoir qu'ils expliquent la formation de tous les éléments chimiques, sauf ces trois-là, à savoir le lithium, beryllium et bore. Si vous regardez le tableau des périodiques des éléments qui est dans toutes les salles de classe, vous voyez que vous avez aux deux bouts hydrogène, hélium, et puis ensuite vous passez lithium, beryllium, bore, puis carbone. Et puis carbone, azote et oxygène, voilà, qui sont pour le coup des éléments extrêmement fréquents dans l'univers. Oui, et qui sont, voilà, eux, formés dans les étoiles. Et donc, ces grands savants appellent ça, pour expliquer, en fait ils expliquent pas, ils appellent ça le processus X, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'explication. Et à ce moment-là, donc, y a beaucoup d'éléments qui interviennent. Premièrement, Bernas, c'est un laboratoire de physique nucléaire, donc il va mesurer les probabilités des réactions entre des protons et des alphas très énergiques qui vont frapper des cibles de carbone, d'azote et d'oxygène. Des alphas qui sont des rayons de haute énergie. Voilà. Et ce sont les premiers à le faire dans les années 65-70. Hubert Reeves est là, effectivement, il assiste à ça. Deuxièmement, Hubert Reeves rencontre les gens qui étudient les rayons cosmiques, en particulier un Danois, pas d'origine danoise, mais enfin, la guerre l'avait amené au Danemark, qui s'appelait Peters, et qui lui montre que dans le rayonnement cosmique, le rapport entre lithium, beryllium, bore sur carbone, azote, oxygène n'est pas de 10 moins d'un millionième comme dans la nature, mais il est d'un dixième, d'un tiers d'un, oui, à peu près. Donc, voilà, ça, et alors ça le met évidemment sur l'idée que ces éléments, ces trois éléments sont formés par l'interaction entre les éléments carbone, azote, oxygène du milieu interstellaire environnant qui vont être frappés par le rayonnement cosmique et d'où ces éléments vont être, si vous voulez, fabriqués de façon secondaire. C'est-à-dire qu'il faut d'abord qu'il y ait du du carbone de l'azote oxygène qui est fabriqué en nucléosynthèse, c'est-à-dire par les étoiles, qui vont être frappés par les rayons cosmiques et donc les noyaux vont être divisés et ça va créer ces autres éléments. Alors Hubert Reeves a cette hypothèse extrêmement brillante, et là où j'ai été chanceux, c'est de participer à un travail qui porte un nom de code aussi, vous voyez, B2FH, c'est le premier. Nous, ça s'appelait MAR, pour Meneguzzi, mon collègue, moi-même, et Reeves, Hubert Reeves. Donc, on a publié l'article qui montre quantitativement que cette hypothèse est la bonne. Et du coup, ces travaux d'études, eh bien, ça ajoute une sorte de troisième fabrique à éléments, puisqu'il y avait la nucléosynthèse originelle, c'est-à-dire celle du Big Bang, qui crée l'hélium, l'hydrogène et un certain nombre d'autres atomes. Sur lesquels on va peut-être revenir dans la suite. On va y revenir, tout à fait. La nucléosynthèse stellaire, c'est-à-dire ce qui se passe au cœur des étoiles, notamment des supergéantes. Oui, des supernovées, bien sûr. Enfin, c'est l'explosion des supernovées qui va libérer tous ces éléments. Là, nous sommes pas seulement des poussières d'étoiles, nous sommes des poussières d'étoiles géantes qui ont été propagées dans le milieu interstellaire. Et nous avons la chance d'être sur un caillou qui tourne depuis 4 milliards d'années autour du Soleil. Parce qu'il faut... Qui est une étoile très petite par rapport à la moyenne de la taille des étoiles que l'on peut observer aujourd'hui. Le Soleil, il faut dire 90% des étoiles qui forment notre galaxie sont comme le Soleil. Et à mesure, vous voyez, la Terre, il doit y avoir des milliards, peut-être même des dizaines, dans notre galaxie, des cailloux de la taille de la Terre, il y en a à profusion. Mais ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que donc on a la nucléosynthèse primordiale, la nucléosynthèse stellaire, et puis ce petit rajout, et nous là, on a comblé donc un trou. Il y avait trois éléments orphelins, et donc le mérite, s'il y en a de notre travail, c'est d'avoir comblé ce trou. Qu'on appelle le processus de spatialisation dans le gaz interstellaire. Voilà, c'est ça. Alors du coup, vous avez poursuivi, Jean Audouze, ces travaux autour de la nucléosynthèse, et vous avez travaillé, puisque vous venez de l'évoquer, après, sur une autre forme qui est la nucléosynthèse explosive, c'est-à-dire finalement ce qui se passe au moment où ces géantes rouges, ou ces géantes gazeuses explosent et répandent partout dans l'espace interstellaire des noyaux formés au cours de cette explosion dans la supernovae. Ça, c'est aussi une industrie qui avait été... Alors, c'est intéressant l'histoire des sciences, parce que la même année, 1957, un autre chercheur, qui s'appelait Cameron, eh bien, il publie dans une revue absolument, que personne ne lit, Shockriver Rapport, et il publie tout à fait la même histoire que celle qui est reproduite dans l'article de Review of Modern Physics de 1957, B2FH. Donc, ça c'est la malchance. Vous savez que lorsque vous publiez, il suffit pas de publier correctement, mais il faut publier dans les bonnes revues. Et quand vous publiez pas dans les bonnes revues, eh bien vos travaux sont ignorés. Juste une incise. Par exemple, l'expansion de l'univers, on l'attribue à Hubble, mais l'abbé Lemaître, 2 ans auparavant, il avait déterminé l'expansion de l'univers, mais il l'avait publié dans la revue de l'astronomie de Bruxelles, que évidemment en français, que personne ne lisait. Et donc, jusqu'à maintenant encore, on attribue l'expansion de l'univers à Hubble et pas à Lemaître. Mais ça, c'est pas grave. Alors, Cameron, pourquoi je parle de lui? Parce que il avait 2 élèves, qui sont aussi mes amis, David Arnett et Jim Trohan, et il les a, encouragés à étudier la nucléosynthèse, non plus dans les phases calmes de l'évolution stellaire, mais dans les phases explosives, ils ont étudié la phase explosive du carbone, de l'oxygène, etc. Et puis, au moment où j'étais aux États-Unis, dans le groupe de William Fowler à Caltech, eh bien, personne n'avait encore étudié la nucléosynthèse explosive de l'hydrogène, qui doit non seulement se passer dans les supernovae, mais aussi dans des étoiles explosives plus fréquentes, mais moins énergétiques, qu'on appelle les novae. En tout cas, j'ai fait ça, avec le Jim Trohan, et donc, je me suis intéressé, évidemment, à la nucléosynthèse. Par exemple, la nucléosynthèse explosive de l'hydrogène, vous allez dire, pourquoi il nous raconte ça? Ça explique les isotopes rares, si vous voulez, de l'azote et de l'oxygène. Voilà, bon. Et de l'hydrogène aussi, du deutérium. Alors, le deutérium, c'est une autre histoire, si je peux me permettre. Allez-y. Lui, qui m'a intéressé par la suite. Qui a intéressé beaucoup de monde, qui continue d'ailleurs à intéresser beaucoup de monde. On peut peut-être préciser que le deutérium, c'est un isotope, c'est l'isotope de l'hydrogène. Voilà, avec, c'est l'eau lourde. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'eau lourde, avec un neutron en plus dans le noyau. Exactement, c'est ça. Alors pourquoi c'est intéressant cette histoire? D'abord, il faisait partie du processus X que B2FH. Pourquoi on ne peut pas l'expliquer par la nucléosynthèse stellaire ordinaire? C'est que le deutérium, il ne demande qu'une chose, c'est à se briser. Il est extrêmement... Il est comme le lithium, le beryllium, le bore. C'est un élément relativement peu stable. Bon, en tout cas, Gamow, malgré tout, il avait raison. Il n'avait pas raison sur 92 éléments. Il avait raison sur 3 ou 4, les premiers de la table périodique. Parce que lorsque l'univers, si l'univers est passé par une phase dense et chaude, comme on pense le Big Bang, eh bien, au bout d'une seconde, il a à peu près 1 milliard de degrés. Et à ce moment-là, comment dire, les neutrons commencent à pouvoir se désintégrer. C'est-à-dire, ils ne sont plus liés. Il n'y a plus de positrons qui ont été annihilés. Et donc, la nucléosynthèse, et puis si par exemple les photons ne sont pas assez énergétiques pour briser le deutérium. Alors ce qui se passe, c'est l'hydrogène, un proton se lie avec un neutron, forme du deutérium, les deutériums forment de l'hélium 3, l'hélium 4 et un peu de lithium 7. Et alors ce qui est intéressant, parce que vous allez me dire, bon, ouais, très bien, ça c'est un jeu pour les... Le chimie nucléaire originelle. Voilà. Mm-hmm. C'est un jeu pour des gens comme O12, qui, là, ça sert à rien. Voilà. Et donc, c'est très important parce que les calculs montrent que si la densité de matière nucléaire était plus élevé que quelques pourcents, comme on sait aujourd'hui, eh bien, à ce moment-là, le deutérium serait totalement transformé en hélium 4, hélium 3. Donc, il y a, en comparant les calculs de nucléosynthèse primordiale avec les observations, on obtient une valeur précise de la densité sous forme de matière nucléaire. Et donc on peut dire, si vous connaissez la, vous avez certainement rencontré d'autres collègues que moi qui vous ont dit que globalement il y a 70% d'énergie noire, 27% de matière noire et 3-4%. Eh bien, matière, ça vient, disons, la preuve du fait que il n'y a que 3% de matière nucléaire vient de l'abondance du deutérium et donc est un sous-produit de la nucléosynthèse primordiale. Et d'où l'importance de ces travaux sur la nucléosynthèse explosive qui permettent de combler ce delta en deutérium. Voilà. Tout à fait. Donc finalement, si vous voulez, on a essayé, enfin, si je résume un peu, je dirais que grosso modo, imaginez que c'est une nappe, la nucléosynthèse. Moi, j'ai comblé quelques petits trous, voilà. Parlez-nous un peu justement de vos passages aux États-Unis. Vous en avez fait un grand nombre au cours de votre carrière, mais notamment dans des établissements importants dans l'histoire des sciences contemporaines, Caltech à Pasadena et UCLA à Berkeley. Comment est-ce que on s'insère quand on est un jeune chercheur français dans ces méthodes d'enseignement américaines, dans ces labos aux États-Unis ? Très honnêtement, très très facilement, parce que dans ces laboratoires, d'abord ils sont en grande partie, il n'y a pas que des Français, il y a beaucoup d'étrangers. Et c'est une des caractéristiques de ces endroits. Alors on dit que la science américaine est extrêmement vigoureuse, etc. Il faut savoir que la majorité des chercheurs qui sont à UCLA, à Berkeley, à Caltech, à MIT, ils sont d'origine étrangère. C'est-à-dire que il y a beaucoup, alors ça n'enlève rien au mérite du peuple américain. William Fowler était un américain bon sucre, pur sucre, mais ça veut dire simplement que une des grandes intelligences des universités américaines, c'est d'avoir su d'avoir encouragé justement l'apport. Donc on se centre. Moi, vous voyez, je vais raconter un peu comment je suis arrivé à Caltech. J'arrive, je vais voir la secrétaire, elle me dit, voilà, elle me désigne une table, me donne un crayon, une gomme, un bloc de papier, puis elle dit, ben, vous verrez peut-être un jour le professeur Foller. Alors voilà, bon, ben, j'ai commencé à m'amuser avec mon crayon et ma gomme. Et puis, huit jours après, je rencontre... alors lui, très, ça, c'est une des grandes belles rencontres. Et évidemment, la belle rencontre avec Hubert Reeves, mais une belle rencontre aussi avec William Fowler. Vraiment, il m'a donné l'enthousiasme. Et puis, parce que jusqu'à même ma thèse, et peut-être même un peu après, je doutais beaucoup de moi. Alors, je continue à douter de moi, mais au moins, il m'a aidé à surmonter, si vous voulez, cette timidité, se dire, oui, ce que tu vas faire, c'est pas forcément important, mais au moins, amuse-toi. Il m'a donné le goût de ce jeu, qui est le jeu de la recherche. C'est peut-être une des différences entre la façon d'enseigner, de faire de la recherche, le côté ludique, didactique, pédagogique, alors qu'en France, on a un rapport un peu plus austère, un peu plus froid, non ? Qu'en pensez-vous ? C'est un petit peu vrai. Alors, bon, oui, vous avez raison. D'abord, ce que m'a appris Hubert Reeves et puis conforté par William Fowler, c'est que, en recherche, si vous voulez, on a l'impression qu'il faut faire des choses extrêmement sophistiquées, que la recherche est nécessairement des mathématiques extrêmement complexes, seulement accessibles par un petit nombre. Non, il faut simplement se donner la peine d'observer, et quelquefois une idée simple peut s'avérer d'une énorme fécondité en recherche. Et donc... c'est ce que j'essaie d'expliquer aux jeunes chercheurs. C'est, la vérité n'est pas nécessairement dans la complexité. Ça, c'est Hubert Reeves il a été nourri lui aussi par là. Il a été élève de Cornell et donc il a eu les meilleurs maîtres et donc il nous m'a transmis cette chose, à savoir que quelquefois c'est dans la simplicité que réside la vérité. Vous dites, Jean Audouze, que vous avez le sentiment d'avoir vécu l'âge d'or de l'astrophysique. Oui, ça c'est vrai. Ben écoutez, j'ai eu moi aussi alors des élèves après. Hein, donc certains sont brillantissimes. Il y en a un qui a même dirigé après moi l'Institut d'astrophysique de Paris et qui a publié un livre qui s'appelle L'astronome, et dans lequel il démontre que le métier d'astronome a beaucoup plus varié entre 1970 et maintenant qu'entre l'Antiquité et 1970. C'est-à-dire qu'il y a eu vraiment un bouleversement. Alors, c'est pas qu'on n'est plus intelligent que, au contraire, hein, personne n'a, pour atteindre l'intelligence d'Aristote ou de Platon, je crois que, à mon avis, ça n'existe pas, mais on a eu la chance de vivre une ère technologique remarquable, à savoir les télescopes sont devenus de plus en plus grands, les détecteurs neutrons, à particules, mais même à rayonnement, sont devenus de plus en plus précis. On a eu donc un nombre de missions satellitaires remarquables, etc. Et donc, on cultive c'est pour ça que chaque année, il y a des résultats considérables, c'est-à-dire qu'on a les outils pour observer le ciel que nos prédécesseurs n'avaient pas. Sometimes I wonder why I spend the lonely night dreaming of a song. The melody haunts my reverie, and I am once again with you. When our love was new, and each kiss an inspiration, but that was long ago. Now my conscience consolation is in the stardust of a song beside a garden wall when stars are bright. You are in my arms, the nightingale tells his fairy tale of paradise where roses grew. Though I dream in vain, in my heart it will remain. My stardust melody, the memory of love's refrain. Sometimes I wonder why, I wonder why I spend the lonely night dreaming of a song. The melody haunts my reverie, and I am once again with you. When our love was new and each kiss an inspiration. Résister un peu Della Fitzgerald pour commencer l'année. Stardust, poussière d'étoiles, puisque c'est ce dont il est question tout au long de cette heure avec notre premier invité pour cette année 2019. L'astrophysicien Jean Audouze est avec nous. Jean Audouze, si je vous dis 18, 45, 35, Audouze, je parle de quoi? 18, 45, 35, Audouze. Ah si, je crois vous parler d'un astéroïde. Et oui, qui a un de mes amis qui est astronome mais il est amateur, mais pas si amateur que ça, parce que il chasse les astéroïdes. Et Bernard donc, Christophe. Voilà, et il a eu la gentillesse d'affecter mon nom à un astéroïde, voilà. Mais par exemple, alors ça me rend tout à fait modeste, parce que, par exemple, en ce qui concerne André Braque, lui, il avait, au lieu d'avoir un chiffre aussi, il avait 2000 ou 3. Donc, oui, parce qu'on connaissait moins d'astéroïdes à l'époque. Voilà, c'est ça. Et donc, oui, j'ai un astéroïde, mais je suis en bonne compagnie. Hein. Il y a beaucoup de monde qui a un astéroïde. Alors, l'autre question à laquelle vous n'échapperez pas, Jean Audouze, pour cette première émission de l'année, c'est une question que je pose souvent comme ça à nos invités pour des grands entretiens d'une heure, celle qui fait le titre de cette émission, la méthode scientifique. Quel est le sens pour vous de la méthode scientifique? Est-ce qu'il y en a une? Est-ce que aujourd'hui il faut la réenseigner? Qu'est-ce que ça vous inspire, ce terme méthode scientifique? La méthode scientifique, je crois que c'est quelque chose assez personnel. C'est un peu, moi je compare les chercheurs comme les compagnons du Tour de France, c'est-à-dire que pour moi Hubert Reeves a été le maître qui m'a enseigné, qui m'a donné des outils, et puis donc ensuite j'ai été compagnon, puis j'ai eu quelques élèves à qui j'ai passé avec quelques méthodes de savoir-faire. Je pense que c'est à la fois, oui, il y a des constantes. Bon, par exemple, faut aller lire, faut beaucoup se renseigner. Deuxièmement, il faut être aux aguets de tout un petit peu de tout ce qui se passe. Mais je veux dire, c'est chaque laboratoire, c'est une activité aussi. Là, bon, je suis tout seul devant vous, mais c'est une activité, je veux dire, où sont des équipes qui travaillent. Et d'ailleurs, il y a une tendance, la différence entre le moment où j'étais étudiant de thèse et puis jeune chercheur, les équipes, c'était 2, 3, 4 chercheurs. Maintenant, c'est des milliers de chercheurs qui travaillent sur une... par exemple, la découverte du boson de Higgs, c'est plusieurs milliers de chercheurs. La détection des premières ondes gravitationnelles, c'est plusieurs milliers de chercheurs. Donc, les méthodes ont forcément un peu évolué. Pour moi, si vous voulez, c'est... Alors, mais c'est peut-être pas en raison de mon âge, hein, mais c'est un peu de l'artisanat, c'est-à-dire... Ben oui, on a des petits trucs. Mais c'est ce que je vous dis, par exemple, dans ma méthode à moi, c'est ne pas négliger les choses évidentes et simples. On est, ça, c'est, voilà. Le rasoir d'Occam. Oui, c'est ça. Toujours y revenir. Oui, toujours. Se dire que la nature est paresseuse et donc nous devons acquérir une certaine paresse pour la décrire. Alors Jean Audouze, à partir de la fin des années 80, on va parler de l'autre partie de votre carrière, une carrière qui prend un tour plus politique dans un premier temps, mais pas uniquement. Vous êtes appelé à l'Élysée comme conseiller technique auprès de François Mitterrand, en charge de la recherche, de la technologie, de l'espace, de l'environnement. Pourquoi ce virage à la fin des années 80 ? Simplement, je vous dis, c'est les rencontres, c'est toujours ça. Donc un ami me téléphone et me dit le poste de conseiller scientifique, c'est à la fin des années 88, me va être vacant, présente-toi. Bon, moi je me présente, j'envoie. Et donc je rencontre le secrétaire général adjoint d'abord, Christian Sauter, puis Jean-Louis Bianco, bon, qui me font passer un entretien, puis je vais aux États-Unis, puis bon, je dis au revoir, voilà, et puis je vais aux États-Unis, puis un mois après être arrivé, j'avais un séjour programmé pendant 3 mois où je devais faire un cours de justement de nucléosynthèse à UCLA, et puis au bout d'un mois, on me dit ben il faut venir. Alors ben j'ai arrêté, donc j'ai annoncé à UCLA que j'étais obligé de partir et j'ai donné la raison. Et puis voilà, je suis arrivé en février 89, donc auprès de à la présidence de la République. Et alors comment, en quoi ça consiste? Parce qu'on a souvent parlé aujourd'hui peut-être d'une certaine manque de culture scientifique des élites, de la classe politique dirigeante. Est-ce que François Mitterrand avait une oreille attentive au progrès de la science? Figurez-vous, oui. C'est d'ailleurs un peu ce qu'il distingue de, je dirais très très sincèrement, de ses successeurs. Moi, je ne retrouve pas la même, y compris Emmanuel Macron, qui a une culture qui est très cultivée, mais je n'ai plus rencontré après lui. Alors, comme vous le c'est savez, une culture d'humanité. Oui. Emmanuel Macron. François Mitterrand était un littéraire, mais si. Il était un. Enfin, c'était quelqu'un qui s'intéressait à tout. En tout cas, en ce qui me concerne, j'ai eu la chance, effectivement. D'abord, c'était un travail beaucoup d'écrit, hein, c'est-à-dire que je communiquais avec lui par ce qu'on appelle le système de notes. Évidemment, je le rencontrais lorsqu'on allait visiter tel ou tel endroit et j'avais préparé le discours, donc j'allais avec lui. Mais généralement, c'était par des envois de mémos. Et ce qui m'a frappé, c'est que il en tenait compte, c'est-à-dire que il lisait vraiment ce que je lui disais. Donc François Mitterrand, vous voyez on a l'impression qu'il est moins accessible d'accès que ses successeurs. Finalement, je crois qu'il y avait une caractéristique, c'est que il écoutait les conseillers avaient un impact sur son action. Il était sensible aux avancées de la recherche, à la place de la France dans la compétition scientifique internationale. Oui, je pense que c'est amusant parce que il avait pour nous à la fois du respect et en même temps il nous considérait comme des gamins. Ah, tiens. Oui, c'est-à-dire que un jour je lui ai fait rencontrer Pierre-Gilles de Gennes qui venait d'avoir le prix Nobel. Et alors donc moi j'ai le souvenir de cette entrevue, j'y assistais et donc à un moment oui, François Mitterrand lui dit « Alors maintenant, monsieur le professeur, qu'est-ce que vous allez faire puisque vous avez le prix Nobel ?» Et alors, Pierre-Gilles de Gennes a dit « Ben moi, je vais aller dans les lycées et je vais essayer de convaincre les jeunes que la recherche est formidable et tout. » On avait l'impression qu'il posait la question comme un gamin qui avait fait, vous savez... Ils sont bachots, quoi. Voilà. Et puis, « Bon, ben maintenant, qu'est-ce que tu vas faire, mon petit lapin ?» Voilà. Et c'était amusant. Mais je regrette pas. Le monde politique, c'est un monde assez intéressant à côtoyer, pas trop longtemps, mais à côtoyer quand même. À la fin des années 80, vous vous engagez également dans la vulgarisation en prenant la présidence de l'agence Jules Verne. Oui. L'agence Jules Verne qui est chargée de la promotion des émissions scientifiques à la télévision. Je peux vous demander aujourd'hui, en 2018, ou peut-être à l'époque déjà, quelle influence vous avez pu avoir là-dessus, parce que la science à la télévision en France, ce n'est pas un des fleurons de notre audiovisuel. Ah non, ça c'est clair. Ben malheureusement, je dois dire que, bon, il y a eu des émissions de qualité, mais elles ont été relativement... Pensez à quoi, par exemple? Je pense à Tour du Monde, Tour du Ciel, de Robert Ponsard-Besson, qui a vraiment... C'était formidable pendant... Donc il y a eu une dizaine de 10 heures où on visite les différents observatoires du monde entier, dont on fait un tour de la Terre, et en même temps, évidemment, on raconte l'histoire de l'astronomie. C'était vraiment remarquable, et l'agence Jules Verne avait contribué très modestement à faire en sorte que cette émission existe. Alors ça venait de en 1988. On publie Conversation sur l'invisible avec Jean-Claude Carrière et Michel Cassé. On va y revenir dans un peu de temps. Bien sûr, mais à ce moment-là, donc à la fois Hubert Curien et Catherine Tasca, qui étaient respectivement ministre de la Recherche pour Hubert Curien et ministre de l'Information pour Catherine Tasca, qui nous demande un rapport sur la science à la télé. Alors avec Jean-Claude Carrière, on a visiter toutes les chaînes, je garde des souvenirs assez amusants, enfin bon, qui dépasseraient le cadre de cette émission. En tout cas, donc, vous pouvez nous en confier un ou deux quand même, Jean Audouze, parce que vous nous appâtez là avec vos souvenirs. Par exemple, la rencontre avec les dirigeants de TF1 et de France 2, c'était assez comique, dans la mesure où, manifestement, ce qu'on venait leur dire, Jean-Claude Carrière et moi, ça ne les intéressait en aucune manière. Mais c'était la façon dont ils nous rapportaient leur désintérêt. C'était amusant, quoi. D'ailleurs, Jean-Claude Carrière, qui est pas seulement un auteur, mais également qui adore faire des dessins. Alors, il a gardé une série de dessins très amusants. Vous savez, par exemple, il y avait Claude Contamine était alors le dirigeant de France 2 et donc un haut fonctionnaire très sérieux et donc Jean-Claude a fait un dessin très humoristique de notre rencontre avec Claude Contamine. On n'hésitera pas à lui demander la prochaine fois qu'on le sollicite. Peut-être un mot sur le regard que vous portez aujourd'hui sur la place des sciences à la télévision. Là aussi, alors est-ce que c'est un particularisme français? On a l'impression que la télévision, pour parler de la télévision, à la radio, on a la chance d'avoir un service public avec au moins deux émissions, plus certainement deux émissions quotidiennes avec le camarade Mathieu Vidard sur La Tête au Carré, puis toutes les autres émissions sur France Culture, La Conversation Scientifique, l'omission d'Aurélie Luneau. Bref, on a une vaste proposition de science. Ça, c'est pour nous faire un peu de passer un peu de pommade. Mais sur la télévision, c'est vrai qu'on a l'impression que le créneau a été quand même relativement loupé. Il a été loupé, honnêtement. Mais c'est vrai que la radio, c'est finalement le médium sur lequel les scientifiques se sentent à l'aise. Et c'est vrai, par exemple, je suis très heureux d'être ici parce que, on a le temps d'aller un peu au fond des choses. Et deuxièmement, vous avez cité Mathieu Vidard, vous-même, Aurélie Luneau, vous êtes des professionnels de la chose. À la télévision, d'abord. Alors, il y a Arte qui essaye de temps en temps. Le documentaire, France 5 aussi. De le mettre à la bonne heure. Mais pour les autres, je dois dire, ça part d'un principe qui est que la science est ennuyeuse. On nous traite de scientifiques. Et moi, je maintiens que la science n'est pas du tout ennuyeuse, au contraire, et que, c'est pendant les quelques années qu'il me reste, ce que je voudrais arriver à convaincre un peu tout le monde, pas seulement le pouvoir politique ou le pouvoir médiatique, mais vraiment tout le monde, que la science, c'est intéressant, c'est amusant, c'est la curiosité, c'est le plaisir. Ben, vous en êtes convaincu. Malheureusement, vous êtes une minorité. Enfin, on n'est pas nombreux. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent et le succès des émissions scientifiques, que ce soit celle de Mathieu, d'Étienne, d'Aurélie, bref, de toutes les émissions de Jean-Claude Amezen qu'on peut citer aussi, montre qu'il y a un intérêt véritable, qui n'est pas minoritaire. Hein. C'est ça. Mais l'intérêt, comme vous voyez, il est suscité par la radio et la télévision est absente parce que la télévision, je veux dire, les modèles économiques, de toute façon, vous savez qu'à la télévision, c'est le client, c'est pas l'auditeur, le client, c'est l'annonceur. Bon, alors donc, effectivement, lorsque vous avez cette équation, il est difficile de faire passer des émissions scientifiques. Cet intérêt, il est aussi manifeste sur Internet, qui a peut-être occupé un créneau que la télévision avait laissé vacant. Quand on voit le succès d'un certain nombre de chaînes de vulgarisation sur YouTube, on en reçoit ici régulièrement celle de Léo Grasset, de Sébastien Carassou, de Bruce Benhamran, de Patrick Beau, de Florence Porcel, de Tania Louis, bref, tout un tas de jeunes scientifiques qui font de la médiation et de la vulgarisation et qui rencontrent un très très large public. On parle de millions de vues à chaque vidéo. Alors c'est pour ça que finalement, on a essayé pendant un certain nombre d'années, il y avait, si vous voulez, rappelez-vous, à la Tour Eiffel, il y avait ce grand festival organisé par Jean-Michel Arnold tous les mois d'octobre, au moment de la fête de la science. Bon, on a essayé d'investir la télévision. Bon, ben, je crois, effectivement, vous le démontrez très bien. La radio est là. Internet est là. Bon, ben, c'est parfait. Je veux dire, il n'y a pas, voilà. Alors, on tourne la page de la télévision et on parle un peu de ces rencontres importantes que vous évoquez avec Jean-Claude Carrière et Michel Cassé, vos visiteurs du jeudi. Oui, tout à fait. Alors, ben, c'est de 86 à, lorsque j'étais à la fin de mon mandat de directeur de l'Institut d'astrophysique, Jean-Claude Carrière, qui est un homme à la fois un immense conteur et puis un homme d'une grande curiosité, qui disait, bon, moi je ne veux pas, je suis littéraire, mais je ne veux pas passer à côté de la grande aventure du XXe siècle, qui est la science. Et donc, on se réunissait effectivement tous les jeudis pendant 2 ans. Et donc, Jean-Claude venait, il posait des questions, on y répondait. Et puis, de ces entretiens croisés est sorti donc Conversation sur l'invisible. Puis on a repris ça plus récemment, 30 ans après. Alors, 2017, chez Jacob. Ça se passait plutôt chez lui. Et on a continué. D'ailleurs, hier, ou il y a quelques jours, on déjeune très régulièrement tous les trois et on continue à réfléchir sur le temps, sur les choses. Ça, c'est un des grands bonheurs de ma vie, c'est vrai, d'avoir côtoyé cet homme tout à fait exceptionnel. Hein, vous savez que au mois de juin de cette année, le MoMA, c'est-à-dire le grand musée d'art contemporain de New York, va célébrer une rétrospective. Tous ces films vont passer au mois de juin au MoMA. C'est la première fois qu'un cinéaste étranger et français a cet honneur. Donc, oui, c'est un grand... Vous voyez, les rencontres ont joué un rôle important dans ma vie, en particulier la rencontre avec Jean-Claude Carrière. Mais justement, nous n'avons pas résisté, Jean Audouze, à passer un petit coup de fil à Jean-Claude Carrière qui a une question à vous poser. Mon cher Jean, je voulais juste te demander si tes longs voyages dans l'infini de l'univers, aux frontières extrêmes de nos connaissances, quelquefois ne t'éloigne pas de nos petits problèmes quotidiens, de ta jambe qui te fait mal, de nos démangeaisons, et aussi, surtout, des problèmes qui touchent les gens autour de nous. Alors, je répondrai par oui et non. C'est ça, c'est-à-dire qu'effectivement, lorsque je suis en train de travailler ou de discuter ou d'élaborer, j'oublie effectivement les problèmes quotidiens, mais je crois que j'ai démontré, je veux dire, c'est pas toute ma vie, hein, je veux dire que de temps en temps, je redescends sur terre et puis ma jambe me fait mal, ou bien je vais rencontrer quelqu'un, je vais essayer de le convaincre de faire de l'astrophysique ou de répondre à ses questions, etc. Donc oui, ma vie est un mélange, comme la sienne d'ailleurs. Lorsqu'il écrit un scénario ou une pièce de théâtre ou un livre, j'imagine que il s'abstrait. Ça, c'est le lorsqu'on essaye de comprendre quelque chose, de faire de la recherche ou d'étudier quelque chose, bah, évidemment, on s'abstrait du monde extérieur. Même vous, en ce moment, bon, on est tous les deux dans une sorte de bulle, hein, je veux dire, une conversation. Bon, le monde extérieur, il nous écoute peut-être, mais pour le moment, on n'est pas sensible. Eh bien, c'est un peu ça. Je crois que notre vie, c'est un aller-retour entre ces femmes. C'est vrai que je reprends ce qu'a dit Hubert Reeves au tout début de cette émission. C'est la nourriture, le bonheur, c'est vrai que lorsqu'on est dans cet état où justement on écrit, on cherche, effectivement, il y a une certaine, oui, je vais employer le mot, une certaine jouissance qui est absolument ouais, formidable. Vous dites, Jean Audouze, qu'il y a des liens, que vous voyez des liens entre le théâtre et l'activité de chercheur. Vous dites, chercheur, ce n'est pas un métier, le théâtre non plus. Ce sont deux explorations de l'imaginaire, deux activités relatives où le résultat n'est pas garanti, avec une grande place laissée à l'échec. Oui, c'est vrai. Mais l'échec fait partie les erreurs, tout ça. Ça fait partie de nos existences, de la démarche, je veux dire. On tâtonne, on essaye, ça marche, ça marche pas. Si ça marche pas, il faut pas se décourager. Je crois que ça, c'est ce que je dis toujours à quelqu'un qui veut faire de la recherche. Il faut lutter, pas seulement chercher des choses simples, mais il faut lutter contre le découragement. Hein, ça, le découragement, ça vous guette. Hein, on se dit, je sais pas faire. Alors, mais non, il y a mille moyens de se reprendre. Deuxièmement, on n'est pas tout seul. Troisièmement, enfin, il y a plein de façons. Donc, ben, c'est un peu ça, oui, effectivement. L'échec fait partie de la création, je veux dire. Et donc, effectivement, il faut accepter ça. C'est important. Mais c'est vrai que le théâtre, moi, c'est une activité que je suis un peu. Et c'est vrai que non seulement il faut trouver des choses justes ou vérifiables, etc. Mais en plus, il faut savoir les mettre en scène. Et je dirais que le grand mérite de Jean-Claude Carrière, c'est un conteur. Il sait mettre en scène une connaissance, un sentiment, un savoir. Et je crois que c'est ça. J'ai pas son talent, je le côtoie, donc ça me fait plaisir. Un dernier mot pour conclure cet entretien, puisque nous arrivons au bout de cette heure. Jean Audouze, l'une de vos activités aujourd'hui, c'est d'aller dans les classes, dans les écoles primaires, d'essayer de transmettre la culture scientifique aux enfants. Le ciel, l'espace, ce sont des lignes de rêve encore pour les jeunes d'aujourd'hui. Ah ben, moi, ce que je constate, c'est que maintenant, je fais ça une trentaine de fois. Chaque fois, les enfants sont heureux. Je leur dis des choses assez simples. Hein. Je commence toujours par la même phrase que j'ai dite il y a un instant, à savoir que nous sommes sur un vaisseau cosmique qui circule dans un vaste univers. Puis je leur raconte un peu ce qu'on peut voir. Et donc, d'abord, il y a le public des enfants entre 8 et 12 ans est un public fabuleux parce que d'abord, ils se posent beaucoup de questions, ils ont la curiosité, ils ont aussi la simplicité. Et je pense que au bout d'une heure où j'ai essayé de leur transmettre des petites choses et où ils ont posé des questions, je pense que ce que j'essaie de leur apporter, c'est du plaisir, c'est-à-dire que ils ont passé une heure agréable. Et à partir de là, de se dire, l'enseignement, selon moi, l'école doit être un lieu de plaisir. Ça doit être un lieu où l'enfant trouve, d'abord il apprend des choses, et deuxièmement, il apprend aussi à communiquer, à dialoguer avec ses semblables, avec les enseignants. Il faut, vous voyez, par exemple, ça m'a frappé il y a quelques mois, cet incident absolument dramatique dans un lycée de Créteil. Eh bien, il faut que ces choses-là cessent. Je crois que un enfant a pointé un professeur avec une arme factice. Oui, au mois d'octobre de l'année dernière. Eh bien, je pense que ce qui me motive pendant les quelques années où je pourrais encore agir un petit peu, c'est d'essayer de transmettre, de faire en sorte que dans les classes, il y ait de la non-violence, de l'empathie, du bien vivre ensemble. Et je pense que la connaissance, la science, mais aussi le théâtre, enfin toutes les activités, si vous voulez, intellectuelles, peuvent apporter, je veux dire, elles ne sont pas réservées à quelques-uns, elles sont vraiment pour tous. Et si le professeur a simplement de la curiosité, de l'enthousiasme, il peut véhiculer à ses élèves le plaisir de vivre. Le plaisir de vivre, voilà un fort joli mot pour conclure cette première émission de l'année. Merci beaucoup Jean Audouze d'avoir été avec nous en notre compagnie. Une très très belle année à vous, une très belle année aussi à vous qui nous écoutez. On vous souhaite vraiment tout le meilleur, évidemment, le plaisir de vivre, de la paix intérieure, mais aussi une très belle année scientifiquement, personnellement, et évidemment une très belle année à l'écoute de France Culture. Merci beaucoup à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, à qui je souhaite également une excellente année. Allons-y. Merci Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Namina Gatzinville-France, Céline Lezen, Tom Humdenstock et Mathieu Lefrançois. Merci beaucoup Olivier Bétard, notre réalisateur de choc. Merci Audrey Guélil qui était aujourd'hui à la technique. On se retrouve demain à 16h pour la deuxième émission de l'année, jusqu'à preuve du contraire.